Sandwich creates a new dimension. This is a new style of music. RQC, de la radio à gogo. Fais pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Eh bien, salut à tous, c'est le Slasher, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle de Touche à tout. Et donc là, on va tout de suite commencer, vous êtes avec Scream à la table, et au Slasher, donc tout simplement au micro. Et donc là, on va s'écouter un petit Alex Godieu avec Crystal Waters, Destination Calabria. Destination unknown, no, no, no, no. Voilà, c'était Alex Godieu avec Crystal Waters, Destination Calabria, une chanson super connue, vous devez la connaître dans tout ce qui est années 2000. Donc alors là, on va tout de suite passer à la chronique de livres. Donc là, on va pas vous faire Nathan maintenant, on va vous le faire après. Mais là, d'abord, j'ai décidé de vous parler d'un nouveau partenaire, c'est tout simplement Slalom et de les éditions Slalom. Donc encore merci à eux. Et donc là, nous allons parler, ils en ont déjà envoyé 3, ils ont nous envoyé la collection complète des livres Frigiel et Fluffy. Donc là, on va regarder chaque livre. Donc là, c'est le tome 1, le retour de l'Ender Dragon. Donc tout simplement, je vais vous lire le synopsis. Découvre les aventures inédites du youtubeur Minecraft Frigiel et de son fidèle compagnon Fluffy. La fête bat à son plein dans le village de Laniel quand un immense dragon noir apparaît au-dessus des toits avant de lancer à l'assaut de la créature. Hernald, le grand-père de Frigiel, lui confie un mystérieux coffre noir qui lui fait promettre d'apporter à son meilleur ami, Valmar, à Puaba, propulsé dans une aventure inattendue. Frigiel part sur les routes, ignorant qu'il transporte l'un des objets les plus recherchés au monde, convoité par le terrible sorcier Askar. Or, celui-ci vient de s'échapper de sa prison des Ferlman. Donc, un livre qui est très très bien. Donc, vous devez connaître le célèbre jeu de Notch Minecraft. Et ben là, Frigiel, donc un youtubeur assez connu sur le thème de Minecraft, a fait 3 livres. Donc là, c'est le premier, Le Retour de l'Ender Dragon. En plus, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'on s'attache au personnage. Et le livre est au coût de 11,90€. Après, le deuxième, c'est tout simplement Les Prisonniers du Nether. Donc le synopsis. Alice et Frigiel, accompagnés de Fluffy, errent dans le Nether avec à la main une carte de leur... a confié Valmar. Mais la carte est inutilisable. Comment s'orienter au sein de cet enfer souterrain? Et où trouver l'aide dont Valmar parlait? Donc c'est tout simplement la suite de ses aventures. Donc le Nether, si vous connaissez pas trop Minecraft, c'est une dimension, un portail qu'on fabrique. Donc c'est vraiment super bien. Et là c'est le tout nouveau. Donc, je le rappelle, au prix de 12,90€ pour celui-ci. Un petit peu plus cher, parce qu'il y a plus de pages, tout simplement. Donc là, on va voir le nouveau, c'est La Forêt de Varrogue. Donc, le synopsis, encore une fois. Hernald est vivant, mais que s'est-il passé? Prisonnier du pénitencier sous-marin du Suratan, Frigiel doit trouver un moyen de s'échapper. Avec l'aide d'Alice et de Abel, et grâce à ses attitudes de mage, Frigiel parvient à libérer Hernald. Deux habitants de l'Agniel, un gobelin du nom de Steck et quelques guerrières sarmantes, un peuple du delta des pieuvres surnommé les tueuses d'Enderman. Donc là, nous allons voir la suite. C'est le troisième tome du nom Frigiel et Fluffy. Encore des aventures super bien, parce que j'aime bien, c'est le petit chien dans le livre. Ne comptez pas sur des illustrations, car il y en a très très peu dans celui-là. Par exemple, il n'y en a qu'une seule. C'est plus un roman, et c'est très très bien. Donc je tenais encore à remercier notre nouveau partenaire, Slalom. Donc ce livre est au prix de 12,90€. Donc nous allons se faire une petite pause musicale avec At the Village People, Open Your Eyes. Donc c'était At the Villa People, pas At the Village People, excusez-moi. Donc c'était Open Your Eyes, donc At the Villa People, une ancienne discothèque, je n'ai pas connue, mais Scream elle l'a connue. Elle a dit ouais j'ai connu et tout, machin et tout. Donc je vous ai parlé de Frigiel et Fluffy, donc un jeu sur le thème de Minecraft. Et bah là on va tout de suite continuer, tout simplement, parce que je vais vous parler un petit peu de Minecraft pour ceux qui vont se dire ouais mais c'est quoi Minecraft, je connais pas. Donc c'est un jeu vidéo connu, il y a toujours, enfin dans la période 2000. C'est un jeu qui a été créé le 16 mai 2009, pour vous dire. C'est un jeu vidéo de type bac à sable. Donc c'est un jeu de construction. Donc on peut construire ce qu'on veut, notamment des maisons, des pièges, crafter des trucs. Je vous explique crafter, parce que c'est un mot que vous ne devez pas sûrement connaître. Ça veut dire, vous coupez du bois à vif, donc d'un tronc d'arbre. Et après, vous avez un genre de chutier, vous pouvez faire des épées avec, machin et tout. Et ce jeu, c'était un jeu tout simplement suédois, développé par Marcus Persson, alias Notch. Et donc, en plus, le studio développeur, c'est Mojang, donc le plus connu pour ça. Donc, vous avez une édition Minecraft normale, donc en ligne ou solo, donc pas d'aventure dans celle-ci. Mis à part qu'à la fin, vous deviez battre l'Ender Dragon, mais c'est pas vraiment une aventure. Vous allez dans le Nether, après l'Ender, je crois, ouais. Et après, vous tuez l'Ender Dragon. Bon, sinon, c'est un jeu très très bien. Maintenant, j'y joue plus parce que, voilà, je suis un peu plus grand, un peu trop grand pour ça. Bon, sinon, c'est un jeu super bien. Je connais des gens encore aujourd'hui qui y jouent. Et donc, voilà. Et aussi, il y a une autre version, par contre, de Minecraft, un peu moins connue, c'est Story Mode, donc c'est-à-dire, je m'explique, c'est une version historique du jeu, donc vous pouvez suivre des aventures, cette fois-ci, avec des cinématiques, etc. Donc, alors là, les amis, on va voir le pop de la semaine, enfin, il y en a deux, mais là, je vous en présenter un avant la petite pause. Donc, c'est Carrie, donc le numéro 167, si je me souviens bien. Donc c'est une super belle pop, donc Carrie, film d'horreur de Stephen King, hein, et vraiment super belle. On voit sa tête ensanglantée dessus, si vous vous rappelez bien, il y avait ses ennemis qui lui avaient fait un petit guet-apens en mettant du sang de porc au-dessus du théâtre où elle avait été nominée, donc un guet-apens quoi. Et donc ce sang a été versé sur elle, et ce regard figeant qu'elle avait donné à la foule, ça c'est un regard mythique du cinéma, où commence à tout brûler, les trucs d'extinction pètent, etc. Un super bon film, les amis. Donc, je vous rappelle, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site RQC et sur la page Facebook Touche à tout et la chaîne YouTube du même nom. Donc là, on va s'écouter un petit Avenged Sevenfold. Allez, c'est parti. Fear. I've just seen 50 fucking signs. I can't believe it. Ripped up. that's why I got a heater for your thighs. And I know it's not your time, but bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. My baby, don't cry. Donc c'était Avenged Sevenfold avec A Little Piece of Heaven, une chanson qu'on a eu l'occasion de voir en concert, super belle en plus avec tous les écrans et tout, une petite animation vraiment super bien foutue, on dirait une sorte d'opéra rock, c'est vraiment génial. En plus, petite news comme ça, à part pour Rive d'Enfer, Avenged Sevenfold est confirmé au Hellfest 2018. Donc là, on va parler des livres de chez Nathan, on en a trois. Là, c'est Pop-up toi-même, donc de Lou et Amel. Donc, crée ton superbe livre Pop-up. Et là, c'est Bon Voyage. Donc, le livre est pour les enfants de dès 6 ans, pour 11,95€. Donc, le synopsis, crée ton super livre pop-up avec une aventurière, son tipi, sa voiture, des animaux rigolos, un oiseau merveilleux, un voyage fabuleux et 11 décors à colorier, très facile à construire en volume. Donc, les pop-up, c'est quoi? Je m'explique, c'est tout simplement les livres, quand vous ouvrez, il y a des reliefs qui augmentent, par exemple, comme le pop-up livre de The Walking Dead, et qui est vraiment bien, on voit tous les zombies sortir et tout quand on ouvre le livre. Donc le livre est au prix de 11,95€. Ensuite, on a le deuxième de la même collection de chez Nathan, toujours Pop-up toi-même, donc de Lou et Annabelle. Crée ton super livre pop-up, Le Pirate Amoureux. Donc le synopsis, crée ton super livre pop-up avec un pirate des mers. Des bandits, des monstres marins, une sirène, une aventure effrénée et 11 décors à colorier. Très facile à construire en volume. Donc ce livre est au prix toujours de 11,95€ dès 6 ans. Donc en plus c'est bien, c'est leur slogan, c'est toi l'artiste. Ça vous aide dans l'imagination pour les petits, ça leur aide dans leur imagination. Et tout c'est très très bien, en plus les pop-up à mon avis ça risque de leur faire rigoler. Oh maman t'as vu il y a un bonhomme qui sort du livre. Ça va être très très très marrant, donc au prix de 11,95€. Ensuite là on a reçu un coffret de chez Nathan. C'est mon coffret Montessori d'astronomie. Donc dans ce coffret vous avez tout simplement une carte tournante du ciel et ses constellations, un carnet de constellations, un livret et 60 cartes classifiées. Donc un assez gros coffret, assez imposant. Donc c'est de Eve Herman et Roberta Rochetti. Donc le synopsis c'est quoi? C'est qu'y a-t-il dans l'univers? Comment fonctionne le système solaire? Pourquoi les planètes ne tombent-elles pas? Comment observer les constellations? Donc vous allez tout savoir dans ce petit coffret, très très bien. Ça peut vous aider à apprendre les planètes. Donc en plus c'est au programme de 5e, donc pourquoi pas si vous voulez apprendre ça. Donc c'est à partir de 22€. Non, pour ce coffret c'est vraiment bien parce qu'on a des produits de qualité. C'est pas des petits trucs qu'on recevait gratuits en cadeau. C'est vraiment très très bien. Surtout ce que j'ai bien aimé c'est que on a des cartes avec le nom des planètes plus la planète. Et aussi pour t'apprendre à reconnaître les planètes ou à reconnaître les noms et les classifier, tu as juste un dessin de la planète et en dessous tu as des petites cartes avec des noms pour les replacer et t'apprendre à bien connaître les planètes. En plus tu peux voir tout ce qui est constellations, etc. Donc c'est vraiment super beau pour les fans d'astronomie. Notamment si Nathan sort des livres d'astronomie chaque année, l'agenda astronomie. Je crois qu'on l'avait déjà reçu celui de 2017. Donc pourquoi pas l'année prochaine recevoir celui de 2018. Donc à partir de 22,90€ chez Nathan, encore merci. Ah, vous pouvez tout retrouver sur la page Touche à tout, la chaîne YouTube et le site RQC. Et là, on va faire une petite pause avec Benjamin Diamond avec Little Scare. We'll be right back. FM, le seul compromis, la bonne musique. Ah là, c'était Benjamin Diamond avec Little Scare. Et là, nous allons passer à la programmation du cinéma Forever Moucron pour ce mercredi 15 novembre au mardi 21 novembre. Là, il y a tout simplement Le Bonhomme de Neige. Je vais vous lire le synopsis. Tout d'abord, je tenais à vous prévenir, ce film est interdit aux moins de 12 ans. C'est un thriller de 1h59. Lorsque le détective d'une section d'élite enquête sur la disparition d'une victime lors des premières neiges de l'hiver, il craint qu'un serial killer recherché n'ait encore frappé. Avec l'aide d'une brillante recrue, il va tenter d'établir un lien entre des dizaines de cas non élucidés ou la brutalité de ce dernier crime afin de mettre un terme au ce fléau avant la tombée des prochaines neiges. Donc un film avec tout simplement Michael Fassbender, donc dans des rôles notables Assassin's Creed, Alien et bien d'autres. Ça doit être un très très beau film, donc inspiré d'un best-seller. Je vais vous faire un petit peu à la cour. Donc c'est un tueur qui tue à tomber des neiges. Pour lui c'est un déclic. Et donc ce Michael Fassbender va enquêter pour lui. Là, une sortie très attendue de cette semaine aussi, c'est la Justice League. Donc un film cette fois-ci tout public. Donc entre action, donc un film d'action à bon DC Comics qui dure 2 heures. Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne inspire à l'altruisme de Superman. Sollicite l'aide d'une nouvelle alliée, Diana Price, pour affronter un ennemi des plus redoutables que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains tels que Flash, Aquaman et Cyborg pour affronter ce terrible Steppenwolf. Il a l'air d'être vraiment super bien celui-ci. En plus, une petite bande-annonce avec un Come Together qui a l'air d'être très très bien. Ensuite, en film français, la comédie de la semaine, on a Daddy Cool, donc d'une durée d'1h37 en tout public. Adrien, 40 ans, est totalement immature, se fait larguer par Maud, 35 ans, désireuse d'enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l'amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal, une crèche à domicile. Le début d'une improbable expérience éducative. Ce film a l'air d'être vraiment super marrant. Donc dans les films, normalement dans la programmation de cette semaine, on a Le Bonhomme de Neige, comme je vous l'ai dit, Justice League, Daddy Cool, Pokémon le film Je te choisis, The Foreigner, Geostorm, qu'on a été voir, j'ai vraiment bien aimé celui-ci, Jigsaw, que j'ai plutôt bien aimé, Happy Birthday, Thor 3, Ragnarok, My Little Pony, le film, donc là ils l'ont ressorti, L'école buissonnière, Épouse-moi mon pote, les nouvelles aventures de Cendrillon et le monde secret des emojis. Je tenais à le rappeler dans l'événement, là ils ont dévoilé pour le 14 décembre à partir de 20h. Je sens qu'il y en a là qui est tout excité dans le studio, c'est Titanic. Donc pourquoi ils ont décidé de refaire ça en événement? C'est pour les 20 ans du film, le tarif unique de 6€. Et n'oubliez pas, tous les lundis aussi, les tarifs sont à 6€. Donc encore merci au Forever pour le partenariat. Là nous allons nous faire une petite pause avec BX8017, Take an Acid. Donc c'était tout simplement BX8017 avec Take an Acid, comme il le dit si bien. Là, nous allons passer à la creepypasta de la semaine. Et là, c'est un petit peu un classique. Vous avez dû tout vous faire ces blagues entre vous. C'est la note. Il était 22h30, j'étais seul chez moi. Je m'endormais à moitié devant l'énième rediffusion d'une série quelconque. Mais un bruit est venu troubler mon sommeil, à peine entamé. Il venait de la porte. Agacé, je me suis levé, tant bien que mal, pour aller jeter un coup d'œil. Mais arrivé là-bas, rien, personne devant la porte, j'étais pourtant sûr d'avoir entendu du bruit venant de là. Je m'apprêtais à revenir, m'étendre sur le canapé, quand j'ai remarqué quelque chose sur le sol, une note. Quelqu'un avait glissé un mot sous la porte, je me demandais bien qui pouvait avoir glissé cette note sous ma porte, surtout qu'à cette heure-ci, et curieux comme je suis, je l'ai évidemment lu. Il était indiqué « Ce soir, c'est ton tour ». J'ai cru un canular de ces jeunes du quartier, j'étais plus amusé qu'effrayé, sûrement une blague des gamins du quartier. Je suis retourné sur mon canapé, tout aussi décontracté que je l'étais auparavant, mais à nouveau un bruit sourd venait de la porte qui m'a sorti de ma torpeur. Je me suis levé rapidement pour essayer de choper le plaisantin en flagrant délit, mais une nouvelle fois, personne, et encore une fois, une note glissée sous la porte. Je la lis et elle est marquée « Ce soir, je dévore ton cœur ». J'ai pris la note et je l'ai déchirée avant de la jeter à la poubelle. Tout en maudissant ces blagueurs nocturnes, je suis même resté devant la porte pour l'ouvrir dès que je verrai un mot à glisser par-dessous, mais sans succès. Dépité, je m'apprêtais à retourner sur mon canapé quand j'ai eu la peur de ma vie. Cette fois, j'ai pris les jambes à mon cou quand j'ai vu qu'il y avait une note glissée sous la porte de mon placard, mais je ne l'ai pas lue, j'ai préféré fuir. Donc c'était la note, une blague à mon avis que vous avez déjà dû vous faire, ou une histoire que vous avez déjà dû vous rencontrer. Donc là, nous allons faire une petite pause musicale avec Face. Donc là, je ne lis pas le russe, je ne comprends pas le russe. Donc j'ai traduit Google est mon ami, donc ça veut dire burger. Assez déjanté comme clip. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Это Фейс, я лучший рэпер за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Я настолько ебанутый, что лежал в дурке. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Деньги синие, как смурфы, красные, как губы. На мне полный зал детей, на тебе пустые клубы. Я люблю своих людей, как ненавижу твою тупость. На лице татуировки, пальцы есть, пизду я ловкий. Да-да-да. Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Gucci Gang, Gucci Squad, нахуй вас, придурки. Да-да-да. Хочешь жить моей жизнью? Я бы так не думал. На-на-на. Моя жизнь не сахар, кто вообще ее ты придумал? Кто? Нахуй твою жизнь, она всяко будет хуже. Нахуй, нахуй. Отъебал ее прям в уши, я люблю поуже. Мои Gucci линзы 20 тысяч на глазах. Мир намного ярче через Gucci, это факт. Это факт. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Деньги синие, как смурфы, смурфы. Красные, как губы. Губы, губы. Я настолько ебанутый, что лежал в дурке. Дурке, дурке. Donc c'était Face avec Burger, assez déjanté. En plus, surtout que le gars, c'est un homme à la base, mais on dirait vraiment une femme, quoi. Il a des airs de femme. C'est justement, à mon avis, pour parodier, justement, dans la chanson. Je vais pas vous dire les paroles parce que c'est assez compliqué. Là, nous allons parler de la technique. La semaine dernière, je vous avais parlé de Pipi Joe pour remplacer la technique. Mais là, on va vraiment vous parler de technique. On va vous parler d'un enregistreur audio d'une très très bonne qualité. Je tenais encore à remercier Mamie Sally pour le cadeau de Noël de l'année dernière. C'est tout simplement le DR05, Tascam DR05. Donc c'est un enregistreur portable tenant à la main d'une haute qualité quand même. Donc il est compris avec un filtre passe haut, un réglage manuel que vous pouvez régler les décibels, un buffer de pré-enregistrement. En plus, avec, vous avez un petit bip si vous voulez, c'est comme on fait tout le temps, pour faire un genre de petit clap, ou etc. En plus, ça marche au pile, vous pouvez le faire marcher à pile, et aussi le faire marcher en USB alimentation. Et aussi, vous avez donc un petit port USB pour le faire marcher en alimentation, comme je viens de vous le dire. Et aussi un port USB, dans le même, pour régler tout ce qui est stockage. Ce micro, il comporte deux micros. Donc un à la gauche, un à la droite. Il a un petit écran LCD qu'on comprend très très bien les paramètres. Vous avez un bouton enregistreur, un bouton stop, un bouton pause, un bouton supprimer, etc. C'est très très très facile. En dessous, c'est ça qui est très très bien. Vous avez un adaptateur pour 3/8, donc pour trépied, etc. Par contre, il n'y a pas de bonnette fournie avec. Ce micro est très très bien car ma grand-mère l'a commandé chez Thomann et avec il y avait tout simplement une offre avec la petite valisette à l'intérieur qui servait à mettre le micro. Donc il se connecte en mini SD, pas en grande SD, donc de 4Go à 32Go. Il peut enregistrer en WAV et en MP3. Donc en plus il est équipé d'une alimentation fantôme hein, comme je vous disais, donc vous pouvez les connecter à une table de mixage, ça va super. Vous avez une prise pour mettre en mini jack casque et une prise pour mettre pour connecter d'autres micros dessus, donc pour faire office d'enregistrer en micro, donc pour les micros passif. Donc par exemple vous avez un Rode VideoMic Go que je vous avais présenté précédemment qui est passif, qui n'a pas d'alimentation, il se sert d'une alimentation. Et ben moi je le branche à mon enregistreur, donc du coup il se sert d'alimentation pour enregistrer. Par contre il n'y a pas de prise XLR pour celui-ci, ce n'est pas comme le H4N de la même marque qui est beaucoup plus sophistiqué. Donc pour cela, pour ceux qui disent ah mince je vais pas le prendre parce que je peux pas connecter de prise XLR, vous prenez tout simplement un petit adaptateur, ça existe, adaptateur jack, adaptateur femelle XXLR. Donc un très très bon micro, le Tascam DR05. Là nous allons se faire une petite pause avec Mackenzie feat. Jesse Without You. Are they only echoes I heard in the night? I heard in the night. I heard in the night. Where is the sound I heard before? Are they only echoes I heard?